Tout comme je traversais l'avenue, quelqu'un s'est cogné dans ma vue et qui m'a dit à brûle-pourpoint: vous connaissiez la petite Marie, si jeune et surtout si jolie? Ben, elle est morte depuis ce matin. Mais comment ça, c'est effroyable, c'est pire que ça, c'est incroyable. Hier encore et aujourd'hui, eh oui, voilà, tout est fini. Alors là, j'ai pensé à nous, aux petites histoires de rien du tout, aux choses qui prennent des proportions, rien que dans notre imagination. C'est pas grand-chose, un grand amour. Ah non, vraiment, ça ne pèse pas lourd. Pour peu qu'on se quitte sur une dispute et que la fierté entre dans la lutte, qu'on s'en aille chacun de son côté. Regarde un peu ce qui peut arriver. Je la revois, la petite Marie, mon Dieu, comme elle était jolie. Il y a des coups vraiment malheureux. Elle avait tout pour être heureuse, bien sûr. Elle est pas malheureuse, mais lui qui reste, ça c'est affreux. Qu'est-ce qu'il va faire de ses journées, de toutes ses nuits et de ses années? Hier encore et aujourd'hui, leur belle histoire, elle est finie. Alors là, moi, je pense à nous, aux petites histoires de rien du tout, aux choses qui prennent des proportions, rien que dans notre imagination. Comment ai-je quitté ce matin? On a voulu faire les malins, on s'est quitté sur une dispute et on a joué à cœur qui lutte. Alors t'es parti de ton côté, pourvu qu'il te soit rien arrivé. Mon Dieu, ayez pitié de moi, demandez-moi n'importe quoi, mais lui surtout laissez-le moi. Oh mon chéri, tu étais là, je parlais seul comme tu le vois. Mon amour, prends-moi dans tes bras, non, ne dis rien, c'est ça, tais-toi. Tu te souviens de la petite Marie, la gosse qui aimait tant la vie? Ben, elle est morte depuis ce matin. Oui, comme tu dis, c'est effroyable. C'est pire que ça, c'est incroyable. Serre-moi plus fort tout contre toi, chérie, comme je suis bien dans tes bras.